J'ai teasé tout un barrage, je sais pas si je tiens debout. Je vais lui remplir tout son vent pour sentir bien le goût. La go va pleine de barra, ouais, les mains pleines de boue. Renan va tout beurrer, ramène de mes andous. Oui, trône barrao, dans le golf barrao. Jumeau, une pinte et tout fleuri, mais rebarrao. 9-3, je donne le top, t'es parano. Stop tes parano, bip, pop les barra mobiles. L'actrice défonce la porte, c'est pour de la barrao. Je suis dans l'avion sous escorte des gendarmes. On me reproche plus de 21 000 grammes. Ce soir, c'est sûr, je dors à Guantanamo barrao. Ouais, c'est moi barrao, les poulards m'appellent K.O. On a bicrave des kills de barrao. Pas besoin trop parler, vas-y pas chez moi. Ça l'a fait à la baie, ouais, ouais, c'est chez moi. Wesh, barrao, bicrave la barrao, fournis la barrao, donc on fait barrao. Wesh, barrao, wesh, je suis barrao, ramène le barrao, je veux le barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. J'éteins de son mail quand y'a plus d'amener. Où la police avance prudemment. Tout est lavé, plié, condamné. Gros, ça va pas Hao pour les barres, compris plus d'un an. Ferme Bangkok, mes frérots, j'en prends soin, soin, soin. Tu joues mon frère, tout le monde sait bien que t'es qu'une bouche de chouin, chouin, chouin. Parle-moi le français, on se parle pas chinois. La putain de sa mère, je vais faire juger dans 4 mois. Je vais tourner, merci, hamdoullah. T'as parlé, que du gang gang gang toute la journée. Kakakakaka, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Bande de macaques. Bouzou Blancoc, le tilleul. Tu m'as pas ta boire, ferme ta gueule. Wesh, barrao, bicrave la barrao. Fournis la barrao, Blancoc et barrao. Wesh, barrao, va chercher barrao. Ramène le barrao, j'ai prêt le barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Wesh, barrao, ils vont libérer barrao. Bouzou c'est barrao. Yanso, Bouzou c'est barrao. Yanso, Bouzou c'est barrao. Fianso.